Radical in Christus sein. Radical dans le royaume des cieux. Amen. Amen. And not radical in religion. Und nicht radikal in der Religion sein. Et pas être radical dans la religion. And not radical in the flesh. Und nicht radikal im Fleisch sein. Et pas être radical dans la chair. Allow Jesus to be your focus. Zulassen, dass Christus unser Fokus ist. Autoriser Jésus-Christ à être notre concentration. Allow him to be who you choose. Good day and night. Zulassen, dass er es ist, zu dem wir uns Tag und Nacht entscheiden. On doit vraiment permettre que ce soit lui la personne qu'on est en train de choisir chaque jour et nuit. Allow him to occupy your mind. Zulassen, dass er unsere ganzen Gedanken umfüllt. Vraiment autoriser qu'il puisse lui laisser de prendre toutes nos pensées. If you go to Joshua 1, amen. It says meditate in the word both day and night. In Joshua 1 steht, wir sollen Tag und Nacht in seinem Wort meditieren. Das ist der radikale. Joshua 1 nous dit qu'on doit vraiment méditer à sa parole chaque jour et nuit. Amen. Amen. Joshua 1. Joshua 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord really helps us to understand how to be radical for him. Der Herr zeigt uns, wie wir radikal für ihn sein sollen. In Joshua 1. Ici Jésus-Christ nous fait voir comment être radical en lui. Amen. Amen. From verse 6, he said, be strong and of good courage. Vers 6. Be strong in Jesus. Sei stark und mutig, sei stark in Christus. Sois courageux en Jésus-Christ. Amen. Amen. Be strong in Christ. Sei stark in Christus. Sei fort en Jésus-Christ. Be strong in believing him. Sei sehr stark darin, ihm zu glauben. Sois fort en croyant en lui. Be strong and of good courage. That is be strong in Jesus. Sei stark und mutig. Das bedeutet, wir sollen in Christus stark sein. Sois fort et courageux. C'est ça en Jésus-Christ. He said, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land, which I swear unto your fathers to give them. Only be thou strong and very courageous. That is believing Christ completely. No doubt. Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ihr ihren Vätern geschworen habt, dass es ihnen geben wird. Josué 1,6, ça nous dit que prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leur ancêtre de leur donner. The Lord have inheritance for us. Der Herr hat ein Erbe für uns. Amen. Amen. He have inheritance for you, and until you believe him, you cannot have it. Der Herr hat ein Erbe für uns, und solange wir ihm da nicht glauben können, können wir es nicht haben. Jésus-Christ, le Dieu, il a un héritage pour nous, et pendant qu'on n'en croit pas, on ne peut pas l'avoir. We are so strong in him. Da steht in Vers 6, wie stark sein sollen ihm. On doit être vraiment fort en lui. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whatsoever thou goest. You know, that Vers Moses' 7. Law. You know, we will go there today. Amen. Amen. Because of time. The time has nearly gone. Amen. Amen. If you look at here, say Moses' law. Wenn wir uns Vers 7 anschauen, steht das Gesetz von Mose. Si on regarde verset 7, on va voir la loi de Moïse. Moses' law is very easy to obey. Das Gesetz von Mose ist sehr leicht zu erfüllen. La loi de Moïse est vraiment facile à Because it's flesh to flesh. Weil es da um Fleisch geht. Parce qu'il s'agit de la chair. Christ's law is what you need the Holy Ghost to obey. Das Gesetz von Christus, da brauchen wir den Heiligen Geist, um es zu erfüllen. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? Amen. You know, here people say all the law, laws of Moses. It's, you know, because it's so easy. The flesh is flesh to flesh. It's about the flesh. It's about outside. But that of Christ is without the power of the Holy Ghost, no one can believe Jesus. No one can believe you. You cannot even believe that your name is written in heaven. Das Gesetz von Mose ist so einfach zu erfüllen, aber das Gesetz von Christus ist schwierig, weil dafür brauchst du Glauben. Du musst glauben, dass dein Name im Buch des Lebens steht. La loi de Moïse, c'est facile à suivre, mais la loi de Dieu, hein, tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour croire, parce que tu as besoin de cette foi pour croire que tu as ton salut, parce que c'est une chose qui sont les étapes spirituelles, ça se voit pas. Moses' law is what you do. Christ's law is what Christ did. Das Gesetz von Moses ist das, was du tust. Das Gesetz von Christus ist das, was der Heilige Geist tut. La loi de Moïse, il s'agit de ce que toi tu fais pour Dieu. Mais dans l'esprit, dans Jésus-Christ, il s'agit de ce que Dieu a fait pour toi, ce que le Saint-Esprit fait pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Moses' law and Christ's law are two different laws. Das Gesetz von Mose und das Gesetz von Christus sind zwei verschiedene Gesetze. La loi de Jésus-Christ et la loi de Moïse sont deux choses différentes. Moses' law is all about you. Christ's law is all about Jesus Christ. Diese beiden Gesetze sind wie Tag und Nacht. Das Gesetz von Moses ist über Fleisch und das Gesetz von Christus ist über die Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Too much food for her. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Again. Moses' law is all about Moses. It's all about you and me. Das Gesetz von Moses geht nur über mich und dich, über das Fleisch. Dans la loi de Moïse, il s'agit seulement de la what chair. What we do. Was wir tun. Ce que nous on fait. Christ's law is about what Christ did for you. Das Gesetz von Christus ist über das, was er für uns getan hat. Et la loi de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. He said, this book of the law shall not depart out of your mouth. But thou shalt meditate therein. Amen. Amen. Day and night. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous. And then thou shalt have good success. Vers 8. Praise the Lord. In verse 9, he said, have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord your God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Verse 9. Verset 9, j'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Praise the Lord. Alléluia. No fear of anything. That's the life of the radical. Von nichts Angst haben, das Leben der Radikalen. Les radicaux n'ont peur de rien. Are you getting it? Amen. No fear of the past, no fear of the present, no fear of the future. Keine Angst vor der Vergangenheit, vor der Zukunft oder vor der Gegenwart. Ils n'ont pas peur du passé, du futur et du présent. No fear of what people are going to say. That's not my business, what people say. Keine Angst über das, was die Leute über dich sagen. Ils n'ont pas peur de ce que les gens vont dire sur eux. No fear of what they are going to say about me, how they see me, how they look at me. There's no fear. Keine Angst über die Blicke der anderen. Ils n'ont même pas peur de ce que les gens vont dire de eux. Praise the Lord. Hallelujah. Who are the radicals in Christ? Wer sind die Radikalen in Christus? Qui sont les radicaux en Jésus-Christ? They are those that allow their mind to continue to be renewed with what Christ called the truth. Das sind die, die zulassen, dass ihre Gedanken immer mit der Wahrheit von Christus erneuert werden. Ce sont ceux qui sont entrés, qui laissent vraiment que la vérité de Jésus-Christ reste leur vérité. Amen. Amen. They are those that continue to renew their mind. Das sind die, die weiterhin ihre Gedanken mit Christus Christ erneuern. The truth. And now what religion or denomination call the truth. Mit der Wahrheit, die Christus als Wahrheit darstellt, und nicht mit dem, was die Welt als Wahrheit darstellt. Les radicaux sont les gens qui croient à ce que Jésus-Christ dit comme leur vérité et pas ce que le monde appelle vérité. Go to John 8, please. Johannes 8. Jean 9. Praise the Lord. Hallelujah. John 8. Ah, Jean 8, pardon. As he spoke these words, many believe on him. Amen. Amen. They believe on him. Here Jesus was talking to believers and not to unbelievers. Hier hat Jesus zu Gläubigen geredet, nicht zu Ungläubigen. Ici à 30 à 32, il disait que il parlait aux ceux qui ne croyaient pas. Il dit pendant qu'il parlait ainsi beaucoup. Are you getting it? Mm-hmm. Mm-hmm. They said Jesus to those Jews who believed on him. If you continue in my word, amen. Mm-hmm. And not if you continue in Moses' word. Jesus sagt hier, wenn ihr weiterhin in meinem Wort bleibt und nicht im nicht in der Wahrheit des Gesetzes. Ici, Jésus-Christ dit que si vous restez dans ma loi, dans ma vérité et pas dans la vérité de Moïse, de la loi. You know, you have to know the difference between Christ's word and Moses' word. Wir müssen den Unterschied kennen zwischen dem Wort von Christus und dem Wort von Mose. Tu dois comprendre la différence entre la vérité de Jésus-Christ et la loi de Moïse. We just read Joshua 1. You don't meditate on Moses' law. You meditate on Christ's word. Wir haben eben Joshua 1 gelesen. Your meditation should be what Christ said. Und wir sollen nicht über das nachsinnen, was Mose gesagt hat, sondern wir sollen über die Worte von Jesus Christus nachsinnen. On a vu ici à la Bible, il est écrit qu'on doit méditer sur la parole de Dieu et pas ce que Moïse nous a donné comme commandement. Example. Moses' law said a tooth for a tooth. But Christ's law says, love your enemy. Als Beispiel, Mose hat gesagt, Zahn um Zahn. Jesus Christus hat gesagt, wir sollen unseren Feind sollen wir lieben. Mm-hmm. Ici, on voit par exemple, Moïse dit que si quelqu'un te frappe, toi tu dois aussi frapper. Mais Dieu dit qu'il s'agit justement de l'amour. Il faut aimer même si quelqu'un te frappe. On voit la différence, elle est énorme. Praise the Lord. Hallelujah. It takes the Holy Ghost to be able to believe Christ and obey Christ. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Christus zu hören und ihn zu glauben. On a besoin du Saint-Esprit pour croire en Jésus-Christ. They said Jesus to those Jews who believe on him. If you continue in my word, in my own word, then are you my disciples? Indeed. Vers 31. Il nous dit que si on compte, alors Jésus lui dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. It is when you continue in my word that you can know the truth. Wenn wir weiterhin in seiner Wahrheit bleiben, dann können wir bei Christus sein. Are you getting Vers 32 disait, si vous connaîtrez ma vérité, là vous êtes capable de rester dans en moi. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Wir sollen die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Vers 32. Verset 32, vous connaîtrez la vérité vous fera des hommes libres. What Christ called truth will free you from the lies of Satan. Was Christus Wahrheit nennt, das ist das, was uns von den Lügen des Teufels befreien wird. C'est que Jésus-Christ appelle comme vérité, c'est ça qui va nous libérer des mensonges du diable. Satan's lies. Some are so. For you to detect them, it's almost impossible. Es ist fast unmöglich. Just need the Holy Ghost to detect it. Es ist fast unmöglich, die Lügen des Teufels aufzudecken. Dafür brauchst du den Heiligen Geist. Quelquefois, c'est difficile de reconnaître les mensonges du diable. On a vraiment là, on a besoin du Saint-Esprit. You know, I always give you this example when Jesus sent the 70s. Ich gebe euch oft das Beispiel, als Jesus die 70 hinausgeschickt hat, ausgesandt hat. Je vous donne toujours l'exemple où Jésus-Christ a envoyé les 70 personnes. You can see Satan's lies. They were rejoicing because Satan obeyed their voice. That is one of Satan's lies. Das war eines der Lügen des Teufels, weil sie sich darum gefreut haben, dass sie Dämonen austreiben konnten. One of his lies. Et ça c'était les mensonges du diable parce que eux ils étaient en train de se réjouir que le diable a été a obéi à leur commandement. They prayed for somebody, that person was healed. They were rejoicing. You know, Jesus called it Satan's lie. Sie haben für Leute gebetet und sie haben Dämonen ausgetrieben. Und das war eines der Lügen, dass sie sich darüber gefreut haben. Ils ont prié pour quelqu'un et ils ont chassé le démon dans cette personne et eux, ils étaient heureux. Et Dieu a appelé leur joie. Il a dit que ça, c'était la joie du diable. What about the day you pray and nothing happened? Was ist, wenn du mal betest und nichts passiert? Dann wird der Teufel deine Freude stehlen. Parce que, si par exemple, tu commences à prier et que rien ne se passe, il n'y a pas une manifestation, là, le diable va commencer à voler ta joie. He said, well, our joy should be what Satan cannot change. And that is permanent. Amen. Der Herr sagt, dass wir uns über Dinge freuen sollen, die nicht vergänglich sind. Zum Beispiel, dass unsere Namen im Himmel stehen. Dieu a dit qu'on doit se réjouir pour des histoires qui sont pour des histoires qui vont qu'on peut pas le diable ne peut pas nous arracher et ça c'est il s'agit de croire en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Voilà. Amen. You get it. The radicals are those that are free from Satan's lies. Die Radikalen sind die, die frei sind von den Lügen des Teufels. Les radicaux sont les gens qui sont libérés des mensonges du diable. If there is anything or not, I believe Jesus. Egal was ist, ich glaube an Jesus. S'il y a quelque chose ou pas, moi je crois en Jésus-Christ. C'est être radical. Amen. Amen. No matter the result, I believe Jesus. These are the radicals. Egal was dabei rauskommt, ich glaube Jesus. Peu importe quel résultat, moi je crois en Jésus-Christ. Ça c'est être radical. The radicals are those that believe they please God. Die Radikalen sind die daran glauben, dass sie Christus gefallen. Les radicaux sont des gens qui pensent que, qui croient qu'ils sont en train de plaire à Jésus. Your spirit please God 24/7. Dein Geist gefällt Christus 24/7. Ton esprit ça plaît à Jésus-Christ 24/24. God is spirit and we worship him in spirit. Weil Gott Geist ist und wir Gott im Geist anbeten. Parce que Dieu, les gens qui lui plaisent sont les gens qui se réjouissent en esprit. Remember Enoch in the Bible, in Hebrew 11. Erinnert euch an Enoch in der Bibel. Rappelez-vous de Enoch dans la Bible. He never walked by sight, but by faith. Er hat nie auf die Sicht geschaut, sondern er hat immer im Glauben immer gewandelt. Enoch, par exemple, ne voyait pas la chair, il était toujours en esprit. Because no one ever walked by sight and believed that he pleased God. Weil niemand kann. Are you getting it? Weil niemand kann weltlich gesinnt sein und daran glauben, dass er Christus gefällt. Parce que tu ne peux pas voir ce monde et croire que tu plais à Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Avoir cette conviction. Hébreux. Hébreux 11, verse 5. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 5. Amen. Amen. By faith, Enoch. You can say, but you walk by faith. Er ist mit dem durch Glauben gelaufen. Durch Glauben. If you walk by sight, you can never believe you please God, the true God. Wenn du durch Sicht läufst, kannst du niemals Christus gefallen, weil du immer auf dich selbst schaust und nicht auf das schaust, was Christus für dich getan hat. Il faut vraiment marcher par la foi et pas par ce que tu vois, parce que si tu marches par ce que tu vois, tu ne vas jamais croire ce que Jésus-Christ a fait pour toi. By faith Enoch was translated that he should not see death and was found because God had translated him. Vers 5. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Is that your testimony today, that you please God? Ist das halt unser Zeugnis, dass wir dem Herrn gefallen? Est-ce que c'est ton témoignage que toi tu plais à Dieu? Ça doit être ton témoignage. The radicals believe that they please God. Die Radikalen glauben daran, dass sie stets dem Herrn gefallen. Und das treffen wir nie an. Donc les radicaux ne doutent jamais à ce que Dieu leur dit. Your spirit is who you are. And it pleases God always. Dein Geist ist wer du bist und es gefällt Christus immer. Ton esprit c'est ce que toi tu es et ça plaît à Dieu toujours. Amen. Amen. If you continue to walk after the Spirit, you will believe that you please God. Wenn du weiter im Geist wandelst, wirst du daran glauben, dass du Christus gefällst. Si tu continues à vivre en esprit, tu vas y croire que tu plais à Dieu. If you see the flesh, you never believe it. Wenn du aber dein Fleisch siehst, wirst du das niemals glauben. Parce que si tu vois ta chair, tu vas jamais le croire. The radicals walk after the spirit and not after the flesh. Die Radikalen wandeln. 2 Corinthians 5:7. Die Radikalen wandeln im Geist und nicht im Fleisch. Les radicaux, eux, ils sont en train de vivre en esprit et pas dans la chair. Amen. Amen. 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. 2 Corinthians 5. Praise the Lord. Hallelujah. I love that of Enoch. Amen. Amen. He pleased God. He did not even keep it to himself. He was always giving it as a testimony. Enoch hat immer sein Zeugnis gegeben, was er dem Herrn gefällt. Und er war stolz that's darauf. Radical. Das ist radikal. That is no longer a natural person. Moi, Enoch me plaisait. J'aime bien son histoire parce que lui, il témoignait toujours Jésus-Christ. Il témoignait toujours, il disait toujours que moi, je plais à mon Père toujours. Ça, c'était son témoignage. 2 Corinthiens 5:7. 2 Corinthiens 5:7. 2 Corinthiens 5:7. For we walk by faith and not by sight, like Enoch. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, so wie Enoch. Car nous vivons guidés par la foi, by pas faith. Par la vue. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And 2 Corinthians 4, verse 18. 2 Corinthians 4, verse 18. 2 Corinthians 4, verse 18. Look at it. 4, verse 18. He said, why we look not at the things which are seen? Are you getting it? Mm. We don't look at what are seen. Wir sehen nicht das Sichtbare. Et nous portons pas notre attention sur les choses visibles. Amen. Amen. But at the things which are not seen. Aber wir schauen auf das Unsichtbare. Mais sur les réalités encore invisibles. For the things which are Amen. Seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. Denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare ist ewig. Parce que les choses qu'on peut voir, c'est seulement temporaire et les histoires qu'on voit pas, ceux qui sont invisibles, sont à toujours. We don't walk by what man or religion call miracle. Wir wandeln nicht durch das, was Religion und die Welt Wunder nennen. On ne marche pas selon ce que ce monde et la religion appellent comme un miracle. But by what Christ called miracle. Aber wir wandeln durch das, was Christus Wunder nennt. Mais on marche à travers ce que Jésus-Christ appelle miracle. What man called miracle can be seen. Was der Mensch Wunder nennt, das ist sichtbar. Ce que l'homme peut appeler miracle, ça c'est quelque chose qui est visible. You can see it. Wir können es sehen. Parce que tu peux le voir. We just read, you know, verse 18 said we don't. We look not at the things which are seen. Wir sehen nicht auf das Sichtbare. On voit pas, on ne marche pas selon les histoires visibles. You know, we just pray for somebody, and we could see what is still happening. Amen. Mm. We don't walk by what is seen, but what is not seen. Yeah. Wir haben eben für jemanden gebetet und wir haben nicht auf die Reaktion danach geschaut, sondern wir glauben. Das ist radikal. Comme maintenant là, on a prié pour quelqu'un, mais on ne dépend pas de la réaction et de l'action qu'on va voir, on dépend de ce que Jésus-Christ a dit, la personne est déjà guérie, et ça c'est être radical. And that's why Paul did not go to the hospital and empty the hospital. Because it's not about what people see. Und deshalb ist Paulus nicht in ein Krankenhaus gelaufen und hat alle Menschen da geheilt, weil es geht nicht um das Sichtbare. People see. Et c'est pour cela que Paul n'est pas parti dans des églises et pour guérir les gens comme ça. Christ's word is about what is not seen and not what is seen or what people can see. In der Welt von Christus geht es um das, was man nicht sieht. Parce que dans le monde de Jésus-Christ, il s'agit de ce que le monde ne peut pas voir. Please understand this verse 18. When we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Amen. Praise the Lord. 4:18. Comprenez vraiment le verset 18. What man called miracles can be seen? Das, was der Mensch Wunder nennt, das sieht man. Parce que c'est que l'être humain peut appeler miracle, c'est quelque chose qui est visible. But what Christ called miracle cannot be seen with the natural eyes. Aber das, was Christus Wunder nennt, das kann man mit dem natürlichen Auge nicht sehen. True miracle. Aber das ist der wahre Wunder. Ce que Jésus-Christ appelle miracle, c'est invisible. Et ça, c'est le vrai miracle. Are you getting it? Amen. Comme on vient de lire. Remember Luke 10 again. Erinnert euch an Lukas 10. Rappelle-toi de Luke 10. Your joy was that Satan was subject to them. Somebody was here. Somebody have this. Somebody did it. They could see it with their natural eyes. Ihre Freude war, dass der Teufel ihnen untertan war. Leur joie, c'était que le diable est soumis à eux. But Jesus said that should not be our joy. Aber Jesus sagt, das sollte nicht unsere Freude sein. Mais Jésus-Christ a dit que ça ne doit pas être notre joie. He said our joy should be our names are written in heaven. Amen. Unsere Freude ist das unsichtbare. Notre joie doit être que notre nom est écrit au ciel, c'est que l'homme, l'être humain ne peut pas voir. Dass unsere Namen im Himmel stehen. You better learn how to live by what you cannot see. Wir sollten lernen, bei dem zu leben, was wir nicht sehen können. On doit apprendre à vivre à travers ce qu'on ne peut pas voir. You cannot see Mr. Christ today. Du kannst Christus heute nicht sehen, aber du glaubst ihm. You cannot see with your natural eye. Jesus as the disciples saw him. Avec notre But we believe him. Avec notre œil naturel, on n'est pas capable de voir Jésus-Christ. Mais malgré ça, on lui croit. Et là, on peut voir que c'est quelque chose spirituel. Wir können Christus mit unserem natürlichen Auge nicht sehen, aber wir glauben ihm trotzdem. Malgré qu'on ne peut pas lui voir, on lui croit toujours. Praise the Lord. Alléluia. We don't walk by what we see, but by what we don't see. Wir wandeln nicht beim Sichtbaren, sondern beim Unsichtbaren. On marche pas à travers ce qu'on voit, mais on marche à travers ce qu'on voit pas. In verse 16 of 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5, Vers 16. 2 Corinthians 5, Vers 16. He said, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yet though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth, know we him no more after the flesh. Vers 16. Are you getting something here? Vers 16. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière. We walk by our names are written in heaven, and not by subject, and not by Satan is subject to us. Wir wandeln bei der Wahrheit, dass unsere Namen im Himmel stehen und nicht, dass der Teufel uns untertan ist. Donc, on croit par la vérité. On vit par la vérité que Jésus-Christ, notre nom est écrit au ciel et pas parce que le diable est capable de nous obéir. I hope you already know that. That's Luke 10. Amen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an Lukas 10 erinnern. Et c'est écrit dans Luc 10, faut vraiment le lire à la maison et comprendre. No one can see your names written in heaven. Keiner kann sehen, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Nicht mal du selbst kannst das sehen. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'on doit vraiment se réjouir parce que notre nom est écrit au ciel. Et il y a personne qui est capable de le voir. Personne ne le voit. Mais toi, tu y crois. Et Jésus-Christ aussi t'a dit de le croire. Aber du glaubst daran. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Acts 16, from 16 to 24, Satan was subject to Paul. In Apostelgeschichte 16 sehen wir, dass when he prayed for the damsel, dass der Teufel Paulus untertan war. On a lu que les apôtres ont dit que le diable était sous eux en fait. But you know, Jesus said that should not be our joy. Aber Jesus sagt, false joy. Das sollte nicht Paulus Freude sein. Et Jésus-Christ a dit que ça ne doit pas être la joie de Paul, en fait. That's why no fun, no. C'est un système, it's so wide, it's so bright, it's so deep, it's so. Deshalb ist das System des Teufels so umfangreich. Es ist überall, selbst in Gemeinden. C'est pour cela le système du diable, c'est partout, même dans les églises. Praise the Lord. Alléluia. You know, Satan was subject to Paul. But the same Paul wrote here, this very place, verse 18, while we look not at the things which are seen. It's not about what we see, it's about our nature in heaven. Der Teufel war Paulus Untertan und dieser Paulus hat trotzdem das Sichtbare gesehen, als sich darüber zu freuen, dass der Teufel ihm Untertan ist. Amen. Même ici on voit que Paul aussi, le diable aussi était en train d'obéir Paul, mais c'était pas ce qui a fait Paul heureux parce que sa relation avec son père, que le nom de son père, son nom est écrit au ciel, c'était ça lui donnait de la joie. The radicals were by faith and not by sight. Die Radikalen wandeln beim Unsichtbaren, nicht beim Sichtbaren. Les radicaux, par exemple, eux, ils sont en train de, ils marchent par ce qu'ils ne voient pas et pas par à travers ce qu'ils voient. They never walk by situation. Sie wandeln nie durch Situation. Ils ne dépendent pas de situations. No situation can steal their joy, their peace, their rest. Keine Situation kann unsere Freude, unser Ruhe und unsere Freude stehlen. Quand on est radical, il n'y a pas une situation dans ce monde qui peut nous voler notre paix. For them, it is 4-4. Weil es den Radikalen immer um Philippa 4-4 geht. Parce que les radicaux, eux, ils voient seulement Philippiens 4-4 et se réjouissent à chaque circonstance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when I was, years ago, then I was not even a child of God. You know, there was a lady, very beautiful lady. This lady was married for years, no child. Was praying and believing, going from one place to another, looking for one way or the other to have just even one. And this woman was always saying to me, when we go there to visit them, she will always say to us, if even is somebody that is mad, that is a child, if even somebody that is a cripple, that is blind, that is deaf, but you just want to have somebody that is a child. Vor Jahren, als ich noch nicht gläubig war, kannte ich eine Frau, die sehr, sehr hübsch war und die auch verheiratet war, die sehr lange keine Kinder hatte und ihr Wunsch war es, unbedingt Kinder zu bekommen. Und sie hatte sogar gesagt, dass sie sich sogar zufrieden geben würde über ein Kind, was behindert ist, körperlich oder geistig. Des années, il y a des années passées, quand j'étais pas encore en Christ, j'ai connu une femme qui était vraiment très belle. Elle n'était pas capable d'avoir des enfants. Et celle-là disait toujours que j'aimerais bien avoir un enfant, même si c'est un enfant qui est paralysé ou un enfant qui a des problèmes. Moi, je veux seulement avoir un enfant. Ça m'intéresse pas, n'importe quel enfant, je veux avoir un fils. This woman was rich with her husband. Amen. Diese Frau war sehr reich und mit ihrem Ehemann. Et cette femme était vraiment très riche. But they did not have a child. Aber sie hatten keine Kinder. Mais ils n'avaient pas des enfants. And you know, her prayer was only just that, even to be pregnant at all, I want to experience it. Und die Gebete war, dass sie wenigstens mal die Erfahrung haben möchte, schwanger zu sein. Elle voulait avoir une expérience comme être enceinte. C'est ce qu'elle voulait, être enceinte. Amen. Amen. If you see this woman, then you know I don't know if she's still alive. I just pray she's have Jesus Christ. Amen. Amen. For her life was all about I want to have a child. Und in ihrem Leben ging es nur um. No matter how the child is, it doesn't matter, but I want to have. In ihrem Leben ging es nur darum, Kinder zu bekommen, egal wie diese Kinder sind. Cette femme-là dans sa vie, elle voulait seulement avoir un enfant, peu importe si l'enfant est de bonne santé ou pas. You know, this will help you to be grateful for Jesus. Das sollte dir helfen, dankbar für Christus zu sein in allem. Et ça va nous aider à remercier Dieu en tout. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. The radicals are those that believe they are one with Christ. Die Radikalen sind die, die glauben, dass sie eins mit Christus sind. Die Radikalen sind ceux qui croient qu'ils sont un avec Jésus. Then for them, they never see themselves separated from Christ. Sie sehen sich nie getrennt von Christus. Eux se voient jamais séparés de Jésus-Christ. No matter what. Egal was ist. Peu importe quoi. Nothing can separate them. Nichts kann sie von Christus trennen. Rien peut les séparer de Jésus-Christ. The radicals are those that believe they are holy, they are righteous, and they are perfect. Die Radikalen sind die, die daran glauben, dass sie heilig, vollkommen und perfekt sind. Les radicaux sont les gens qui croient qu'ils sont saints et parfaits en Jésus-Christ. You know, this word perfect, we never go there. Perfect. Because we don't even want to believe we are perfect. Wir reden nie über das Wort perfekt, weil wir gar nicht, weil wir nicht glauben wollen, dass wir perfekt sind, aber wir sind es. On parle pas de la parole du mot parfait, parce que nous, on croit jamais qu'on est parfait. Praise the Lord. Hallelujah. The radicals are those that believe that they are holy, righteous and perfect. Die Radikalen sind die, die daran glauben, dass sie heilig, gerecht und perfekt sind. Les radicaux sont les gens qui pensent qu'ils sont saints et parfaits. If you see yourself in the spirit, you will believe all these three. Wenn wir uns im Geiste sehen, wenn wir alle diese drei Punkte glauben und daran und das ausleben. Et si tu vois, tu te vois en esprit, tu seras capable de croire à ce que Dieu te dit là. Until you believe it, you cannot live that life. Wenn wir das nicht glauben können, you live the life. Wenn wir das nicht glauben können, können wir das nicht leben. Parce que pour vivre cette vie, tu dois être capable de y croire, avoir la foi. Parce que quand tu n'as pas la foi en ce que Jésus te dit concernant ta perfection, tu ne peux pas le vivre. You know why the radicals believe that they are holy, righteous and perfect? Because they see themselves in the spirit always. Aber wieso glauben die Radikalen, dass sie heilig, gerecht und perfekt sind, weil sie sich immer im Geist sehen? Les radicaux pensent qu'ils sont parfaits et parce qu'ils sont toujours dans l'esprit. They see what Jesus did for them always. Sie sehen immer das, was Jesus für sie getan hat. Ils sont toujours capables de voir ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Praise the Lord. Alleluia. Again, 2 Corinthians 5:7. In 2. Korinther 5, the radicals walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5, 7. Die Radikalen wandeln beim Unsichtbaren, nicht beim Sichtbaren. Les radicaux, eux, ils sont guidés par la foi et pas par la vue. They don't learn to be holy. Sie lernen nicht heilig zu sein. Ils apprennent pas à être saint. Yeah. They believe they are holy. Sie glauben, dass sie heilig sind. Ils croient qu'ils sont saints. That's the radicals. Das sind die Radikalen. Amen. Das sind die Radikalen. They don't learn to be righteous. Sie lernen nicht gerecht zu sein. Ils apprennent pas à être parfait. Amen. Amen. Juste. They believe they are righteous. Sie glauben, dass sie gerecht sind. Ils apprennent pas à être juste. Ils sont déjà justes. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Ephesians 4 talks about holiness and righteousness. In Epheser 4 geht es um die Heiligen und Gerechtigkeit. Dans Ephésiens 4:4, il parle des justes et des saints. The children are never sinners. Gottes Kinder sind niemals Sünder. Les enfants de Dieu ne sont jamais des pécheurs. And that is why Jesus never called us sinners. Deshalb nennt uns Jesus auch nie Sünder. C'est pour cela Jésus nous appelle aussi jamais des pécheurs. But you call yourself a sinner. Aber du selbst nennst dich ständig Sünder. Oui, nous appelons pas des pécheurs, mais nous-mêmes on s'appelle toujours des pécheurs. You call your wife a sinner. You call your husband a sinner. You call your children sinners. Du nennst deine and Ehefrau. And wonder why when death is killing them. Dein Ehemann, deine Kinder nennst du alle Sünder. Dann wunderst du dich, warum der Tod sie umbringt. Tu appelles ton mari, tes enfants, ta famille. Tu les appelles des pécheurs. Et puis tu te demandes pourquoi la mort est en train de leur poursuivre. You call them what Jesus will never call them. Tu nennes ce que Jésus ne niemals nennen würde. Tu les appelles comme Jésus. I don't know if somebody va jamais les appeler. What do you call your wife? You're always in the flesh. You don't know what you tell people, what you tell your wife, your children. How you see them, what you. I don't know if somebody is getting it. Was sagst du deinem Partner oder deinen Kindern? Du sagst ihnen ständig, dass sie im Fleisch sind, dass sie Sünder sind. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants, à ta femme ou à ta famille? Is that your prayer for them? Ist das dein Gebet für sie? Tu leur dis toujours qu'ils sont toujours dans la chair. Est-ce que ça c'est bien? C'est une prière? Is that your prayer for your wife? wünschst du dir jetzt für deine Frau, für deinen Ehemann oder deine Kinder? Est-ce que c'est une prière pour ta famille? You know, God in Genesis 1, God saw darkness. He never pronounced darkness and let there be light. Im Genesis 1 steht drin, dass Gott nie das Böse befürwortet hat, sondern er sprach Licht. On voit même en Genèse, on voit que malgré Dieu a vu l'obscurité, mais il a dit que la lumière soit. Donc il n'a jamais prononcé quelque chose de mal dans sa bouche. Until you say it, it does not belong to you or to your wife. Amen. Wenn du es nicht aussprichst, wird es deiner Familie oder dir selbst nicht gehören. Donc, tandis que tu ne parles pas de quelque chose négatif ou bien de mauvais, ou bien tu prononces pas, voilà, tandis que tu prononces pas la mort, rien va aussi les arriver. Remember, I said, take note of saying. Are you getting it? First of all, let us go to Ephesians 4. Ephesians 4. Ephesians 4. From verse 20. Verse 20. Yay! Verse 20 says we are to learn from Christ. In Vers 20 steht, dass wir von Christus lernen sollen. Verse 20 nous dit qu'on doit apprendre de Jésus-Christ. Amen. Amen. 80. He said, but you have not so learned Christ. We learn from Christ. We learn from Christ. He never call us sinners, and we never call ourselves sinners. Or God children. Er nennt uns nie Sünder und wir sollten auch andere Kinder Gottes nie Sünder nennen. Ephesians 4:20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Et Jésus-Christ nous a jamais appelé des pécheurs. Il nous a jamais, personne de ce monde l'a appelé pécheur. Mais pourquoi nous on appelle nos familles ou nos femmes, nos enfants des pécheurs? No matter how bad this is, you know, or this are, you know. Once I don't remember Christ, this smile that come out from me is so heavy. I just remember Christ. Egal wie schlimm die Situation ist, sobald ich mich an Christus erinnere, bekomme ich ein Lächeln ins Gesicht. Peu importe comment ma situation est pire, moi dès que je me rappelle de Jésus-Christ, je suis capable d'être heureuse. You know my daughter here, Christelle. You know once I, you know, the anytime I see her, I just see Jesus. Moi, ma fille Christelle, chaque fois que je la vois, je vois Jésus-Christ. Zum Beispiel meine Tochter Christelle hier. Sobald ich sie sehe, sehe ich sie als Kind Gottes. Dès que je la vois, je la vois comme so beautiful like the Father. So wunderschön wie der Vater. So wundervoll wie der Vater. So sollten wir sie ständig sehen. Et c'est comme ça qu'on doit se voir l'un vers l'autre. Praise the Lord. Halleluja. Jesus came to die for her. Jesus kam, um für sie zu sterben. Jésus Christ est venu pour mourir pour elle. She is the only one on earth. Jesus could have still come to die for her. Selbst wenn sie die einzige auf dieser Welt gewesen wäre, wäre Jesus gekommen, um für sie zu sterben. Même s'il était la seule personne dans ce monde, Jésus Christ allait venir pour mourir pour elle. Weil Jesus sie so sehr liebt. Parce que Jésus Christ l'aime vraiment. Jesus called her his own eyeball. Amen. Jesus nennt sie sein Augapfel. Jésus Christ l'a appelé mon œil. See her spirit and not the outside. Sehe ihr Geist und nicht das Äußere. Was von Interieur und was von Exterieur. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We walk by faith and not by sight. Wir wandeln durch Glauben und nicht durch Sicht. Das ist radikal. On vit par à travers la foi et pas par à travers la vue. Das sind die Radikalen. Praise Jesus. Hallelujah. Ah, Daddy, thank you. Amen. Amen. Let us continue. But you have not so learned Christ. Learn of Christ. Epheser 4, Vers 20. You have to learn from him. Wir sollen von Christus lernen. On doit apprendre à Jésus Christ. If so be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. Are you getting something here? Vers 21. Amen. Verset 21. Verset 21 nous dit que puisqu'on a fait on fait savoir ce qui est quand on vous enseigne, on a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, celui qui est formé à la vérité qui est en Jésus. Tout d'abord. remember Jesus, what you hear from Jesus. In, message. In Vers 21 steht geschrieben, dass wir die Worte, uns an die Worte von Christ erinnern sollen. In Vers 21, ça nous dit de se rappeler de la parole de Jésus. Remember his teaching. Erinnert euch an seine Lehre. Rappelle-toi de ce qu'il nous a appris. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ never called us nobody. Christus nennt uns niemals ein Niemand. There's nobody wants to come to Jesus Christ. Jesus nous a jamais appelé aux êtres personnes. Praise the Lord. Hallelujah. If you remember Lazarus and the rich man. Wenn wir uns an Lazarus und den reichen Mann erinnern, si tu te rappelles de Lazare et de l'homme riche, you can, you know, if you read that very place, you see the life of Lazarus and how it was. Wenn wir die Stelle lesen, full of sorrow all over. Können wir sehen, was für ein schreckliches poor, Leben Lazarus hatte. Si on voit encore cette histoire, Lazare avait can une vie be vraiment a mauvaise, somebody, très no, difficile. No hope, nothing. Er war ein armer Bettler ohne Zuhause, wahrscheinlich sogar krank. Il était malade, il n'avait pas de maison, il était. We don't walk by what we see, we walk by the spirit. Aber wir wandeln nicht durch Sicht, sondern durch Geist. On marche pas à travers ce qu'on voit, mais à travers l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We don't walk by what we see. We walk by the Spirit. Wir wandeln nicht beim Sichtbaren, sondern beim Unsichtbaren. On vit pas à travers ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit, mais à travers ce qu'on voit pas. You know, nobody will see that man. That, you know, Lazarus as somebody that Jesus died for. Niemand würde Lazarus als jemanden sehen, für den Jesus Christus gestorben ist. Personne ne va voir Lazare comme un homme à travers où laquelle Jésus-Christ est mort pour. If they want to believe Jesus died for somebody, it must be that rich man. Wenn sie glauben wollen, wenn sie glauben würden, werden sie wahrscheinlich eher den reichen Mann als die Person darstellen, für die Jesus gestorben ist. Le monde va croire que Jésus-Christ est mort pour l'homme riche et pas pour Lazare. It's nothing about here. Aber it's about Jesus. Aber es geht nicht um das hier, sondern es geht um Christus. Mais on comprend que Jésus-Christ ne marche pas, son système c'est pas comme ça. Son système c'est l'inverse en fait, parce qu'il est mort pour même pour quelqu'un qui est pauvre comme Lazare. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 22 said that you put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in your spirit of your mind. Vers 22 und 23. Verset 22 à 23. Amen. Amen. Your mind, your soul, be renewed. Allow Christ to come there. Deine Gedanken, deine Seele sollen erneuert sein. Lass zu, dass Christus da reinkommt. Pour vraiment laisser que Jésus-Christ puisse renouveler tes pensées. And that you put on the new man, which after God is created and not is going to be created, or is trying to be holy or righteous, but it's already created. Epheser 4, 24, der neue Mensch ist schon da, er ist schon perfekt und er lebt schon in dir. Ephésiens 4, 24, il nous dit que l'homme nouveau est déjà en nous. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Christ did not call us sinners. He never did. Christus hat uns nie Sünder genannt. Jésus-Christ nous a jamais appelé des pécheurs. Learn of him. Lernt von ihm. On doit vraiment apprendre de lui. Stop seeing yourself. Walk by who the Lord called you. Hör auf, dich so zu sehen, in the spirit. Wie dich Christus nicht sehen würde. Seh dich so, wie Christus dich sieht. Arrête de te voir comme Jésus-Christ ne te voit pas. Donc, faut apprendre à voir la personne que Jésus-Christ voit à travers toi. You know, a child of a president always knows that he's a child of a president, and he walks by it. Ein Kind des Präsidenten wird immer wissen, dass er ein Kind des Präsidenten ist und auch sich so verhalten. L'enfant d'un président va toujours savoir qu'il est un enfant d'un président, il va toujours aussi se comporter ainsi. And as a son of God, as a son of Christ, you walk by who you are. Und um wie viel mehr sollten wir als Kinder Gottes so leben wie Kinder Gottes? Et nous étant un enfant de Dieu, on doit aussi se se marcher et se comporter comme un enfant de Dieu. Donc, on doit connaître notre valeur. In Luke 6, verse 24. Okay, let us go here. Then we are coming back here, please. Quickly go to Luke 6. Lucas 6, 32. Verse 32. On va lire Luke 6. 22. What did I Luke 6, eh? Yeah. Mm-hmm. Okay, Luke 6. Verse 32 to 34. Lucas 6, 32 à 34. He said, for if you love them which love you, what thanks have ye? For sinners also love those that love them. Mm-hmm. You see, he says, you are not a sinner. Mm-hmm. This is what sinner, this is what they do, but you are different. In Vers 32 sagt Jesus, dass wir keine Sünder sind, weil er ganz klar die Sünder von uns ausschließt in diesem Vers. Ici, verset 32 dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et là, on voit qu'il ne nous appelle pas pécheurs. Il dit que les pécheurs sont autres personnes, pas nous. If you are there for those that can help you, then you know you are not doing something different from what sinners do. Wenn du für die Leute da bist, die dir sowieso helfen würden, dann tust du nichts anderes als Sünder tun. They can return your help. Weil sie dir ihre Hilfe zurückgeben können. Si tu es toujours là pour seulement pour les gens qui peuvent être là, qui te font du bien, tu n'es pas différent d'un pécheur parce que ils peuvent se détourner contre toi. You know, in both natural world and Christ world, there's always reward coming from the both sides. In der Welt von Christus, aber auch in der Welt von Christus, aber auch in der natürlichen Welt gibt's immer eine Belohnung. Dans le monde de Jésus-Christ et dans le monde de ce monde, il y a toujours une récompensation. Amen. Amen. In the natural world, there's you know their reward is from they see their reward coming from people, those they help. But in Christ's world, your reward is never from those people you help; it's from coming from Christ. In der natürlichen Welt sehen die Menschen ihre Belohnung von Menschen. Also sie sehen immer wieder, dass der Mensch ihnen was zurückgibt, wenn sie ihm Gutes tun. Aber in Christus sehen wir, dass unsere Belohnung vom Herrn kommt. Dans ce monde, les gens prennent leur ils sont en train de prendre leur bénéfice dans ce monde, mais dans le monde de Jésus-Christ, c'est lui qui va nous donner notre salaire. C'est pas ce monde. You know, here in Europe, they don't love you to help them. In anything. I've noticed it. Hier in Europa wollen die Menschen nicht, dass man ihnen hilft, weil sie keine Lust haben auf zurückzuzahlen. En Europe ici, j'ai remarqué que il y a les gens ne veulent pas être aidés parce que ils ne veulent pas être dans ils veulent pas ils ont peur que tu puisses qu'ils te doivent quelque chose en fait, d'avoir une dette. And that's why once you help them, they will ask you why you are helping me. Und deshalb, wenn man ihnen dann mal hilft, dann fragen sie dich, wieso hilfst du mir? Ils vont te demander pourquoi tu m'aides. Because man, their motives are always so selfish. Weil ihre Motive immer so egoistisch sind. C'est parce que le motif de l'homme c'est toujours égoïste. In Christ's world, it's only about Jesus. Aber in Christus Amen. Welt geht's nur um Christus. Mais dans le monde de Jésus-Christ, il s'agit que de Jésus-Christ. Amen. Amen. You don't expect from who you give to. Du erwartest nichts von denen, denen du was gibst. Tu t'y attends pas. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu t'y attends pas qu'il puisse faire quelque chose aussi pour toi au retour. And sometimes we know we say yeah, we don't expect. But you know when the time comes for them to help us, if they don't help us, then we know we expect it. Und oftmals sagen wir, dass wir nichts erwarten, aber wenn es dann zu einer Situation kommt, wo du Hilfe brauchst, rechnest du mit ihrer Hilfe. Quelquefois, on dit oui, moi je m'y attends pas que la personne puisse m'aider aussi au de retour, mais quand tu auras besoin d'eux et qu'ils sont pas là, là tu vas commencer à comprendre que oh, j'aimerais bien aussi que la personne m'aide. Là tu vois que Amen. Tu n'étais pas sincère avec toi-même. You know, sometimes things come to us for as a test. Mm-hmm. Are you going to believe that they are not your rewarder? Yeah. That Christ is your rewarder. Mm-hmm. Yeah. Manchmal kommen Dinge auf uns zu, um uns zu testen. Glauben wir dann in diesen Tests, ob uns Christus belohnt oder ob uns die Welt belohnt? Quelquefois les histoires nous viennent, nous arrivent, ce sont comme des tests. Parce que Dieu veut voir que si toi tu crois à sa parole, que c'est lui qui est la personne qui va te fournir, ou bien tu vas pourvoyer, ou bien c'est ce monde. The test will be, you were there for them, now they are not there for you. Mm. How are you going to react? Der Test könnte sein, dass du für sie da warst, aber sie nicht für dich da sind. Wie gehst du damit um? Le test peut être que toi tu te dis que toi tu es toujours là pour eux, mais eux ils sont pas là pour toi. Comment tu vas réagir? You know, Joseph, he said the word of God tried he. He was tried before the victory. You are going to be tried. Josef sagte, dass er wurde geprüft, bevor das Zeugnis kam. Joseph dit que il a d'abord été tenté avant que avant que il puisse Praise the Lord. Halleluja. Amen. Psalm. Bevor er was? Er wurde geprüft, bevor er das Zeugnis bekam. Ah, il a d'abord été tenté avant d'avoir de faire d'avoir un témoignage. Amen. Amen. If you believe Christ, there's going to be a test that is going to come. You really believe or you are just joking? Wenn du Christus glaubst, dann wird auch eine Prüfung kommen, ob du ihn wirklich glaubst. Quand tu crois en Jésus-Christ, il y aura toujours un test. Tu auras toujours un test pour qui va te faire voir vraiment si tu crois vraiment en Jésus-Christ ou pas. You know, it's like the natural world. You know, don't teach. There's test, there's no promotion. It's after his exam, you pass the promotion. So also is Christ's world. Es ist wie die He taught Abraham, give me your son. There was a test. Mm-hmm. And Abraham had to obey, then there was promotion. Mm-hmm. Are you getting it? Es ist wie die natürliche Welt. Du musst erst Prüfungen bestehen, bevor du versetzt wirst. Genauso ist auch bei Christus. Wir haben ein Beispiel mit Abraham. Er musste auch erstmal zeigen, dass er seinen Sohn hingeben konnte, bevor er befördert wurde. C'est comme dans ce monde ici, il y a d'abord un test avant d'avoir une promotion. Et c'est aussi comme ça avec Abraham. Abraham a dû d'abord, quand Dieu l'a dit, tu dois sacrifier ton fils, il a d'abord dû obéir. Après avoir obéi, Dieu lui a dit que c'était un test et on lui a donné une promotion. Là, Dieu a cru que toi, tu es vraiment, tu m'appartiens, tu crois vraiment. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. And in verse, we are still in Luke 6. Verse 33. And if you do good to them which do good to you, what thank have you? For sinners also do even the same. Lucas 6, 33. Luke 6, 33. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font aussi, pourquoi vous entendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? You can see what Jesus called them. Du kannst hier sehen, dass Jesus andere Menschen Sünder nennt, aber nie dich. Jésus Christ a toujours appelé autre personne des pécheurs et toi, il t'a jamais appelé comme ça. And if you learn to them of whom you hope to receive, what thank have ye? You know, people bless the ministry they expect. You know, they always, I don't know. Please, if you are bringing things here, if it is not, If I want to borrow money, I go to bank. I'm not borrowing money from anybody. Vers 34. Amen. Viele Leute geben in die Gemeinde mit der Erwartung, dass man ihn zurückgibt. Amen. Il y a beaucoup de gens qui donnent dans l'église. That's not Christ's word. Et ils sont en train de s'y attendre que de retourner d'avoir de recevoir cet argent encore. Amen. Amen. What you give to the ministry, the rewards should be from Christ. Das, was du der Gemeinde gibst, du solltest von Christus erwarten, dass er dich belohnt und nicht das Prinzip der Bank anwenden. Et tu n'es pas une banque, c'est que tu donnes à Jésus-Christ, tu dois aussi attendre que Jésus-Christ te le rembourse, pas l'Église. He said, if you learn to them of whom you hope to receive, what thank have you? For sinners also learn to sinners to receive much again. Lukas 6, 34. From there, from outside, from sinners, from the dead people. Wenn du Leuten leist und erwartest, wenn du der Gemeinde leist und erwartest, dass du was zurückbekommst, dann bist du nicht anders als die Sünder draußen. Si tu donnes à l'église et puis tu dis que tu aimerais bien qu'ils puissent te rembourser, tu n'es pas différent des pécheurs. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus separated us from them because they reject his payment. Jesus hat uns von den Sündern getrennt, weil diese Leute seine Bezahlung verweigert haben. Jésus-Christ nous a séparé des pécheurs parce que les pécheurs nous sommes différents parce que les pécheurs eux ils ont refusé le paiement de Jésus-Christ. Sin give permission to death to kill. Sünde gibt dem Tod Erlaubnis, einem zu töten. Le péché, ça donne l'autorisation à la mort de tuer quelqu'un. No, that's why Jesus never see you as a sinner. Deshalb sieht uns Jesus nie als einen Sünder. Jésus-Christ ne voit jamais comme des pécheurs. He never call you sinners. Er nennt uns auch nie Sünder. Learn from Christ. Lernt von Christus. Il ne nous a jamais appelé des pécheurs. On doit vraiment apprendre de Jésus-Christ. He paid for your sin. Er hat für unsere Sünden gezahlt. And you accept the payment. Und wir akzeptieren seine Bezahlung. Toi, tu as accepté son paiement. And so you are not a sinner, you are blameless. Und deshalb sind wir keine Sünder, wir sind sündenfrei. Et c'est pour cela on est plus des pécheurs, on est des gens qui sont justes. Praise the Lord. Hallelujah. Even in the midst of mystery, remember Jesus. Selbst bei Problemen oder Fehlern, erinnere dich daran, was Christus für dich getan hat. Même dans les problèmes, rappelle-toi ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Amen. Amen. Instead of it to make you, you know, children, if you offend your father, when your father comes home, you are running away from him. Mm. But you know, if you know how much your father loves you, if even if you offend him, you even come boldly before him. Because you know that love is perfect. Amen. Als Kind, wenn du was falsch machst und dein Vater nach Hause kommt, rennst du weg. Du versteckst dich vor ihm. Aber wenn du weißt, wie sehr er dich liebt, wirst du auch vor ihn treten, egal was du angestellt hast. Quand tu es un enfant, par exemple, et tu as déçu ton père, dès qu'il va rentrer à la maison, tu vas te cacher parce que tu auras un peu peur. Mais quand tu comprends que ton père t'aime vraiment inconditionnellement, tu auras toujours le courage de partir vers lui. Ephesians 4, again, please go there. Ephesians 6. We'll go back to verse 22. Ephesians 6, 4. Also Ephesians 4, 22. Ephesians 4, verse 22. He said that you put off concerning former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. True holiness. Amen. True. Amen. True. They are not the holiness that are not true. Epheser 4, 22 bis 24. Il a dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se comportait en suivant ses désirs trompeux, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Praise the Lord. Halleluja, wir sind erneuert in der wahrhaftigen Gerechtigkeit. Amen. Amen. He said, put on the new man that is already created in righteousness and true holiness. What Christ called righteousness and what he called holiness. Zieht den gerechten Menschen an, der in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit ist, aber die Gerechtigkeit und Heiligkeit, die Christus definiert. Il faut comprendre la définition de Jésus-Christ, ce qu'il lui appelle sainteté et juste, parce qu'il nous dit ici, revêtissez l'homme de nouveau créé conforme à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Romains 10. On va lire Romains 10. He said, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen. Amen. It means it's not all Israel that are saved. Römer 10, 1. Religious people see it. I don't know how you get it. Hier wird darum gebeten, dass Israel from verse 1 to 7. Wirklich gerettet wird. Das zeigt, dass nicht alle gerettet sind. Ici on voit que Israël va être sauvé. Ça nous fait voir que c'est pas tout le monde qui est sauvé. Are you getting it here? He said, my heart desire and prayer to God for Israel that they might be saved. If not, they will go to hell. Hier wird darum gebeten, dass Israel gerettet wird, damit sie nicht in die Hölle gehen. Ici, verset 1, ça nous demande qu'Israël soit sauvé pour ne pas partir en enfer. Become your birthright. Du wirst nicht. Through Christ, heaven is your birthright. Du hast die Gnade nicht geerbt, sondern durch Christus hast du die Gnade empfangen. Et c'est la grâce, tu n'as pas hérité. C'est à travers Jésus-Christ que tu as reçu cette grâce. And that's why you never sell your birthright. Are you getting it? Mm. Some, you know, you don't like, you know, somebody sold his birthright. Mm. Amen. You never sell it. You never allow anything to come between you and Christ. Und deshalb verkaufst du dein Erstgeburtsrecht niemals. Du behältst es. C'est pour cela. Ton droit natal, ça tu n'es pas capable de le vendre parce que tu l'as, c'est pour toujours. Remember the story of Jacob and Esau. Amen. An der Stelle in der Geschichte von Jakob und Esau geht es darum, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. C'est comme dans l'histoire de Esau et Jacob par exemple, on voit que le petit frère, le grand frère, il a vendu son droit de naissance, son héritage. You know, God's children sell their birthright for a porridge. Mm-hmm. Even today, they sell their birthright for just a porridge, for birthday party, for so that they invite me, so that I go there and celebrate with them. Mm-hmm. They sell their birthright. They reject Jesus Christ and listen to the flesh. Auch heute noch verkaufen viele Kinder Gottes ihr Erstgeburtsrecht wegen Essen oder wegen Feierlichkeiten, zu denen sie unbedingt gehen und Christus untreu sind. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aussi, eux aussi sont tentés de vendre leur droit, leur premier droit de naissance parce que pour des histoires charnelles. Are you getting it? They sell it for the flesh. My mother's sake, my father's sake, my brother's sake, the flesh's sake. Sie verkaufen ihr Erstgeburtsrecht an das Fleisch und sind die ganze Zeit im Fleisch, denken an ihre weltlichen Familien und stellen das über Christus. Do you know what your mother, your father have been doing to Jesus? Are you getting it? Sie begründen es mit, was haben meine Eltern damit zu tun, aber weißt du, was du Christus damit antust? Ils disent, oh oui, je fais ça parce que mes parents m'ont fait du mal, mais est-ce que toi tu sais ce que tu fais à ton père? Don't sell your birthright. Verkaufe dein Erstgeburtsrecht nicht für nichts auf dieser Welt. Il faut pas vendre ton héritage. Jesus paid with his own blood. Jesus hat mit seinem eigenen Blut gezahlt für dieses Erstgeburtsrecht. Parce que Jésus Christ a payé avec son sang notre héritage quand don't ignore him, reject him for anything at all. Ignoriere ihn und verweigere ihn für nichts auf dieser Welt. Il faut pas ignorer ton père, mais il faut pas le rejeter pour rien de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let your birthright be your birthright. Let's believe in Christ. Mm. Choose him, all day and night. Mm. Amen. No matter how difficult it might be. Halte an deinem Geburtsrecht fest, indem du Christus vertraust und ihm treu bist. C'est qu'elle appelle ton héritage ou bien quand c'est qu'elle appelle ton premier droit de naissance, c'est ta foi, c'est ta relation avec Dieu, donc faut jamais le rejeter. No matter how they are going to hate you. Egal wie sehr sie dich hassen werden, verkaufe dein Geburtsrecht nicht, denn die Liebe von Christus ist genug für dich. Stand by him. Stand by me. Stand by Jesus. Comment les gens ne te croient pas. Faut pas rejeter Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't sell your birthright. Verkaufe dein Geburtsrecht nicht. Amen. For any reason. Für nichts auf dieser Welt. Faut jamais rejeter. Amen. Amen. You know that of Esau and Jacob is telling us about Jesus Christ. Amen. In der Geschichte von Jakob und Esau geht's unsere Geschichte mit Jesus. Avec à travers l'histoire de Jacob et de Esau, il s'agit de notre histoire. Amen. Praise the Lord. It's a very interesting place. Amen. Mm-hmm. Wir werden sehr bald dieses Thema auch behandeln. In Vers 2 of Romans 10. He said, for I give them record that they have a zeal of God. The Muslims have a zeal of God. Römer 10, 2. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Amen. Amen. Amen. Romans 10, Vers 10. Car celui. 10, ne? 10, 2. Vers 10, Vers 2. Car je leur réponds. Rend ce témoignage, ils ont un zèle d'argent pour Dieu, mais il leur manque de discernement. You know, all these religious people, they have zeal for God, of God. All diese religiösen Gemeinschaften haben das Eifer für Gott. Les gens, tous ces gens religieux, ils ont un zèle pour Dieu. Like the Jews, like the Christians. Die Christen, die Juden, sie haben alle einen Eifer für Gott. Comme les chrétiens, comme les juifs. He said, but not according to knowledge. For they being ignorant of Christ, of God's righteousness. Sie haben diesen Eifer, aber nicht in der rechten Erkenntnis. Ils n'ont pas, mais ils n'ont pas, ils ont cette zèle de Dieu, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. And going about to establish their own righteousness. Sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit herzustellen. Ils essayent d'avoir leur propre justice. And have not submitted themselves unto the righteousness of God. Und aber schaffen es nicht, sich der Gerechtigkeit Gottes hinzugeben. Ils n'arrivent pas à se soumettre à la justice de Dieu. No, it's not all righteousness that are righteousness. Nicht alle Gerechtigkeiten sind Gerechtigkeiten. C'est pas chaque justice est appelée justice. You know these homosexuals, they were protesting. They wrote love is love. I said, what is that? Love is love. Die Homosexuellen. Love is not love. Die homosexuellen Bewegung hat zum Beispiel als Logo Liebe ist gleich Liebe als Gerechtigkeit dargestellt, was aber böse ist. Les homosexuels par exemple, ils ont écrit, ils ont dit que l'amour c'est l'amour, c'est pour cela il faut aussi nous aimer. Mais ça c'est pas en accord avec la parole de Dieu. And that's how people see truth today. They say truth is truth. It's not. It's what Christ called truth. That is salvation. Mm. That can free you. Mm. All other truths, they are nonsense. Mm. They put you in bondage. Mm. Und so sieht auch die Welt die Wahrheit. Das war gleich Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist Christus, der uns befreit hat. Et c'est comme ça si le monde dit que oui la vérité c'est la vérité, mais non, il y a qu'une vérité et la vérité c'est Jésus Christ qui nous libère aussi. And that's why it's not what you call truth or what I call truth. It's what Christ called truth. Deshalb geht es that nicht we um have das, to learn to know. Deshalb geht es nicht um das, was du oder ich Wahrheit nennen, sondern um das, was Christus Wahrheit nennt. Das sollen wir lernen. Et c'est pour cela, il ne s'agit pas de ce que toi ou moi on appelle vérité, mais il s'agit de ce que Dieu appelle vérité. Et c'est ça qu'on doit, on doit vraiment apprendre. Also, what Christ called fruit. Auch das, was Christus fruit Frucht nennt. Fruit. Frucht ist nicht gleich Frucht. C'est aussi la même chose avec les fruits, c'est que Jésus-Christ appelle fruit. Fruit, c'est pas seulement un fruit. Christ has his own kind of fruit. Amen. Christus hat seine eigene Frucht. The fruit of the Spirit. Jésus-Christ a sa propre, c'est son propre fruit. Die Frucht des Geistes. Et c'est son l'esprit, les fruits de l'esprit. There are also evil fruit. In Galatians 5. If I don't know if we can even get there. Amen. In Galater 5 lesen wir, dass es auch böse Früchte gibt. Galater 5 nous dit aussi qu'il y a aussi des fruits qui sont mauvais. Ah, let me read it. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 4 it says, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in your heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. Römer 10, 4 bis 7. Romains 10, 4 à 7. Amen. Just get out of there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The radicals are perfect. Die Radikalen sind perfekt. Die Radikalen sind perfekt. Parfait. You better believe you are perfect. Das solltest du lieber glauben, dass du perfekt bist. Because your spirit is always perfect. Weil dein Geist immer perfekt ist. Your spirit is who you are. Dein Geist ist deine Definition. Et ton esprit, c'est la personne que tu es. Stop seeing yourself in the flesh. Hör auf, dich im Fleisch zu sehen. Arrête de te voir dans la chair. Amen. Amen. Stop seeing your wife in the flesh. Hör auf, deine Frau oder deinen Ehemann im Fleisch zu sehen. Arrête de voir ton mari ou ta femme. Stop seeing your children. No, stop. Somebody getting it. Mm. Amen. Amen. Because you know they are already saved if you have prayed for them. Wenn du für diese Menschen gebetet hast, wenn du für diese Menschen gebetet hast, sind sie schon errettet. Parce que si tu as déjà prié pour eux, ils sont déjà sauvés. See them how Jesus see them. Dann sehe sie auch so, wie Jesus sie sieht. Voilà comme Jésus-Christ les voit. The Lord told me years ago that I should never speak what I see. What I believe. Der Herr hat mir vor Jahren gesagt, dass ich niemals das sprechen soll, was ich sehe, sondern das, was ich nicht sehe. Dieu m'a dit une fois que je dois jamais prononcer ce que je vois, mais je dois prononcer ce que je crois. You're like we read in 2 Corinthians 4. Amen. So wie wir eben in 2. Korinther 4 gelesen haben. Comme on a lu en 2 Corinthiens 4. In Matthew 6:31. That was good. Matthäus 6, Vers 31. Matthäus 6, Vers 31, vas-y, allez. He said, therefore, take no thought, say, what shall we eat? You know, if you see the flesh, you will complain. Wenn wir das Fleisch sehen, werden wir uns beschweren. Si tu vois la chair, tu vas te lamenter. No, that's what this verse 31 means. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, what shall we drink, or where we shall we clothe? If you see the flesh, you will complain. In Vers 31 geht es darum, dass das hier beschwert wird. Wenn du das Fleisch siehst, wirst du dich auch immer beschweren. Parce que ici, ça nous dit aussi, dès que tu vois la chair, tu vas commencer à te Look at Matthew 5, verse 48. Matthäus 5, 48. Jesus will not give us what he will not want. You know, he will not tell us to become what he did not make us to become. Jesus wird nicht zulassen, dass wir das werden, was nicht wollte, dass wir werden. Jésus-Christ ne veut pas autoriser qu'on puisse devenir ce qui on veut, ce qui ne veut pas qu'on puisse Amen. Être. Are we there, please? Amen. Can you help us to read verse 48? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen. Amen. Be ye therefore perfect. Even as your Father which is in heaven is perfect. Amen. Amen. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Amen. Mm. Amen. Amen. He's telling us to live in the Spirit. Mm. Ici, il nous rappelle de vivre dans l'esprit. Hmm. Our soul should believe who we are in the Spirit. Mm. Unsere Seele soll glauben, wer wir sind im Geist. Notre âme doit comprendre et croire ce que nous sommes en esprit. It is a real war. Es ist ein Kampf, es ist ein real Krieg. War for your soul to be able to believe. C'est un vrai combat. Es ist ein Kampf, dass deine Seele daran glaubt, dass du perfekt bist. C'est un vrai combat que ton âme puisse croire que tu es parfait. Now and that is why to be radical for Christ is not about your spirit is safe alone. Deshalb it's not about your spirit is safe because your spirit can be saved and you are radical or religion. Deshalb, because what you allow to come to your soul, if it is religion, you will be radical for religion. Maybe you might even be saved. But it's a matter of time before that salvation gets out of you. That spirit will now be dead. Deshalb geht es nicht darum bei den Radikalen, dass nur unser Geist gerettet ist, sondern unsere Seele soll auch davon schöpfen, damit wir nicht anfangen, im Fleisch radikal zu werden, das uns aus der richtigen Wahrheit rauszieht. C'est pour cela il faut vraiment faire attention que notre radicalité doit baser sur notre esprit, qu'on doit vraiment autoriser notre esprit à être ce qui en est. If your spirit is safe and your soul is unrenewed continuously, if you do not allow Christ to come to your soul, it's like a tree that you cut the branch. You know, when you remove it from the mother, it's a matter of time it's going to die. So also it's a matter of that that spirit is going to the old spirit is going to come in. Deshalb reicht es nicht, wenn nur dein, Geist wiedergeboren ist. Wir müssen zulassen, dass unsere Seele auch davon schöpft. Ansonsten ist das wie bei einem Baum und einem Ast. Wenn man den Ast von Baum trennt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieser Ast kaputt geht. Und deshalb müssen wir zulassen, dass das, was unserem Geist ist, unsere Seele gelangt, damit wir wiedergeboren bleiben. C'est pour cela on doit pas ça ne suffit pas seulement d'être né de nouveau mais on doit vraiment renouveler nos pensées parce que quand tu renouvelles tes pensées et que tu es né de nouveau c'est comme si tu es un arbre qui est encore toujours comme tu es un comment on appelle une branche tu es comme une branche qui est toujours attachée à l'arbre parce que si cette branche là s'éloigne de l'arbre c'est une question de temps ça va commencer à sécher et mourir. To be radical for Christ is not about your spirit, but your soul. Radikal in Christen hat nichts mit, dass dein Geist gerettet ist, sondern dass deine Seele gerettet ist. Être radical pour Jésus-Christ, ça n'a rien à faire avec notre esprit, ça a à faire avec notre âme. I am talking about those that are already saved. If you are already saved, your spirit is already Christ, but your mind, your soul. Ich rede über die Leute, die wiedergeboren sind. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist errettet, aber was ist mit deiner Seele? Si je parle pour de ceux qui sont nés de nouveau, parce que si tu es né de nouveau, oui, ton esprit est parfait, mais tes pensées, ton âme, ce n'est pas encore parfait. C'est pour cela que tu dois les renouveler. If you are saved, your spirit is perfect, holy, righteous. But your soul don't have them. Wenn du gerettet bist, ist dein Geist perfekt, vollkommen und gerecht, aber deine Seele wird es nicht haben, wenn du deine Gedanken nicht erneuerst. Si tu es né de nouveau, dès que tu es né de nouveau ce jour-là, ton esprit est parfait, il est juste et il est saint, mais tes pensées ne sont pas encore comme ainsi. C'est pour cela que ton âme doit vraiment renouveler les pensées pour être comme ça. You know, I don't know how long the spirit, your spirit, you know, Christ lives in your spirit. Depends on you. You can't be born again right now, and Christ is living in your spirit. Maybe before you get to him, he's already out. Ich weiß nicht, or wie lange. Maybe some weeks or some days. You renounce Christ. Ich weiß nicht, wie lange Christus in deinem Geist bleiben kann, wenn du deine Gedanken nicht erneuerst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du ihn dann irgendwann verweigerst. Si tu ne renouvelles pas les pensées, c'est une question de temps jusqu'à ce que tu vas rejeter le Christ en toi parce que tu seras né de nouveau et vu que tu aimes ce monde, tu vas rejeter Dieu et tu n'auras plus un esprit saint. If you are saved, your spirit is already free from Satan's lies, but your soul is still in bondage of his lies. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist frei von den Lügen des Teufels, aber deine Seele ist noch kann noch von den Lügen des Teufels angegriffen werden. Si tu es né de nouveau, oui, ton esprit est parfait, en nom de Jésus-Christ, oui, mais ton âme et tes pensées sont encore pleins, c'est encore en captivité, sont encore, comment on appelle, sont encore pleins des mensonges du diable, et ça, tu dois commencer d'abord activement à le libérer. If you are safe, your spirit please Christ, 24/7, but your soul never believe it. Wenn du gerettet bist, until your soul believes, you cannot be radical for Christ. Wenn du gerettet bist, gefällt dein Geist Christus die ganze Zeit, aber deine Seele kann das nicht glauben sollte deine Seele das auch glauben, bist du erst radikal. Et si tu es né de nouveau, ton esprit est parfait, oui, mais tes pensées doivent encore, tu dois faire beaucoup de travail pour d'abord y croire parce que tes pensées ton esprit va te dire que tu es parfait, mais tes pensées va dire que tu n'es pas capable d'être parfait parce que hier tu avais volé des histoires comme ça, donc tu dois apprendre ça à ton âme. If you are saved, your spirit is already one with Christ, but your soul is still full of the flesh, the five senses, and it will fight you. Satan will have upper hand against you. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist voll von Christus, aber deine Seele steht dir noch im Weg. Si tu es né de nouveau, ton esprit est plein de Jésus-Christ, mais ton âme, ça, ça cause encore un problème. You know, if you are saved, your spirit is already one with Christ, but your soul cannot believe it. Dein Geist ist schon eins mit Christus, aber deine Seele will das nicht glauben. Das ist ein großes Problem. Dein Esprit ist déjà un. Cannot believe it. Mais ton, because. Mais ton âme n'est pas encore un avec Jésus-Christ. Because for your soul, it's all about the five senses, what you see, what you like, the lie you like, it's stealing you are stealing the things that you do, and never what Christ did for you. Es fällt deiner Seele schwer, das zu glauben, weil du die ganze Zeit mit den fünf Sinnen beschäftigt bist. Du siehst die ganze Zeit, dass du am Lügen bist, dass du ungerechte Dinge tust und kannst nicht glauben, dass dein Geist eins mit Christus ist. That you cannot believe what Christ did for you. Du kannst nicht glauben, was Christus für dich getan hat. Okay, que ton âme a du mal à prendre à croire ce que Jésus-Christ ce que ton esprit est parce que tu es toujours encore en train de voir les cinq sens, de voir ce que tu as fait hier, aujourd'hui ou demain. Tu n'es pas en esprit, tu n'es pas capable de le voir directement et ça tu dois apprendre ça à ton âme. If you are saved, your spirit is already righteous, holy, perfect. But your soul is occupied with, I want to be righteous, I want to be holy. I am not perfect. Wenn du gerettet bist, ist dein Geist voll davon, dass du gerecht bist, dass du bereits heilig bist, dass du bereits perfekt bist. Aber deine Seele ist voll davon, dass du perfekt sein möchtest, dass du gerecht sein möchtest, dass du das alles noch erreichen musst. Parce que quand tu es né de nouveau, oui, comme on vient de dire que ton esprit est déjà parfait, mais ton âme, lui, pense qu'il doit d'abord apprendre à être parfait. Ton âme pense que c'est quelque chose qui doit encore se passer, tu dois beaucoup travailler parce que ton âme ne comprend pas le système de Jésus-Christ et toi tu dois l'apprendre. The Bible says you are perfect. Die Bibel sagt, dass du perfekt bist. La Bible dit qu'on est parfait. Your spirit that is perfect is who you are. Dein Geist, der vollkommen ist, das ist der du bist. Ton esprit qui est parfait, c'est ce que toi tu es. Amen. Amen. Christ is perfect. Christus ist perfekt. There's no evil in him. Es gibt nichts Böses in ihm. Il n'y a rien de mal dans Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I heard a man saying, he was singing. He was singing a song that there's no family is perfect. You know, people say no family is perfect. Ich habe einen Mann singen gehört, der darüber gesungen hat, dass keine Familie perfekt ist. J'ai écouté un homme chanter et disait qu'il n'y a aucune famille qui est parfaite. That is not for God's children. Aber das gilt nicht für die Kinder Gottes. Unsere Familie ist perfekt. Mais ça, c'est pas valable pour les enfants de Dieu, parce que nous, notre famille, c'est parfait. Praise the Lord. Alleluia. We have a perfect family. It depends on the family that you belong. The flesh or the spirit. Wir haben eine perfekte Familie. Natürlich geht es darum, welche Familie wir anhängen, der fleischlichen oder der geistigen. Nous on a une famille qui est parfaite, mais ça dépend de quelle famille tu appartiens. Ta famille spirituelle ou ta famille charnelle. I am perfect because of my spirit. Ich bin perfekt wegen meinem Geist. Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich glaube das. Moi je suis parfaite parce que à cause de mon esprit, mais moi je sais pas si vous êtes capable à le croire. And people say no man is perfect. It's a big lie. Wenn Leute sagen, Christ word, Jesus said you have to be perfect like your father. Wenn Leute sagen, dass if the kein spirit Mensch, of Christ is in you are perfect. Allow that spirit to come to your mind. That's all you need. Wenn Leute sagen, dass kein Mensch perfekt ist, ist eine Lüge, weil Kinder Gottes, die sich ihrer Identität bewusst sind, wirklich perfekt sind. Und dann müssen wir Leute zurechtweisen und ihnen das auch sagen. Il y a des gens qui sont en train de prendre, qui disent toujours que oui, il y a personne qui est parfaite, mais oui, nous les enfants de Dieu, on est parfait en accord avec notre esprit, parce qu'on est notre esprit. Et on doit vraiment les faire, on doit expliquer ça aussi aux gens. Our family is not of the flesh, it's of Christ. Unsere so Familie, there's no evil in Christ. Unsere Familie ist nicht die im Fleisch, sondern die im Geist. Und deshalb gibt es nichts Böses in unserer Familie. Notre famille, c'est pas ceux, ne sont pas de la chair, c'est spirituel. C'est pour cela qu'il n'y a rien de mal dans notre famille. Christ's family. Is perfect. Die Familie von and that is the family we belong. Ist perfekt und das ist die Familie, die wir anhängen. La famille de Christ est parfaite et c'est ça, c'est la famille à qui nous appartenons. For us to be radical for Christ is not about our spirit but our soul. Damit wir radikal sind, geht's nicht um unsere Seele, die in Christus, sondern unsere geht es nicht um unser Geist, dass das schon errettet ist, sondern um unsere Seele. Let's go to God, Romans. Quand on est parfait, il s'agit pas de notre âme, il s'agit de notre esprit. Praise the Lord. Halleluja. Romans 1, Vers 16 und 17. Vers 16 und 17. Romans 1, Vers 16 und 17. Amen. Amen. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Is my son dead also? Mm-hmm. Can you help us to read verse 17 of it? The righteousness of God is revealed from faith to faith. Mm-hmm. As it is written in white. The just shall live by faith. Mm. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The just shall live by faith. Die Gerechten, der Gerechte wird durch Glauben leben. En Romains 1, il est écrit, en effet, cet évangile nous a révélé en quoi consiste que les justes vivra grâce à la foi. Allow your soul to live by faith. Lass zu, dass deine Seele durch dich, durch Glauben lebt. Ad autorise ton âme à vivre de la foi. Amen. Amen. You allow your soul, which is also your mind, to live by Christ. Du musst zulassen, dass deine Seele, was auch gleichzeitig deine Gedanken ist, durch Glauben leben. Tu dois vraiment autoriser ton âme à croire, à vivre dans la foi. The Christ in your spirit will come to your soul. Dass der Christus, der in deinem, dass der Christus, der in deinem Geist ist, in deine Seele geht und sich nicht nur zu Besuch da ist. Donc que le Christ dans ton esprit, qui vit dans ton esprit, doit aussi vivre dans ton âme, pas venir seulement comme visiteur de temps en temps et repartir, mais doit vraiment demeurer dans ton âme. C'est qui est dans ton esprit déjà. Amen. Amen. The just shall live by faith is talking about the spirit of Christ from coming from your spirit into your soul and continue to live there also in your soul. Was der Satz die Gerechten werden im Glauben leben bedeutet, ist, dass der Christus, der in deinem Geist ist, in deine Seele hineingeht und in deinen Gedanken leben wird. Donc ça signifie que quand il dit que le juste vivra grâce à la foi, ça signifie que comme tu as la foi et tu crois que Jésus-Christ est parfait dans ton esprit et tu vas laisser que cette perfection vient aussi dans ton âme. You know, the Bible said the war is over. That is the Luke, the book of Luke. Amen. Mm-hmm. When the angels were happy at the birth of Jesus Christ, they said peace between God and man. Mm-hmm. It means the war is over. Amen. In Lukas steht, dass the war is over. In Lukas steht, dass der Krieg vorbei ist, weil durch Christus jetzt Frieden zwischen Gott und Mann entstehen kann. Dans lui qu'il est écrit que, the peacemaker has arrived. Que, dans lui qu'il est écrit que quand Jésus-Christ est né, ils ont dit que la paix entre, il y a maintenant la paix entre l'homme et Dieu et qu'il n'y a plus de guerre. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu faire la paix entre Dieu et But 1 Timothy 6:12 said there is the fight. Aber in Timotheus steht, dass es noch einen Kampf gibt. 1 Timothy 6:12. Erster Timotheus. He said there is the fight. Mais Timothée nous dit que on a the war is over. Why do we still fight? Une guerre. On va le lire, 1 Timothée. 1 Timotheus 5:6. 5:6. Parce qu'on se demande si, si la Bible dit qu'on n'a plus, on a plus six, une guerre. 12. Pourquoi Timothée dit qu'on a encore une guerre? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life. We are unto that are also called, and have professed a good profession before many witnesses. Fight the good fight. He said, yes, still fight. The good fight of faith that we are still going to fight. The fight is in your soul. Amen. Es gibt noch einen Kampf, und das ist der Kampf des Glaubens, den du in deinen Gedanken und in deiner Seele kämpfst. Donc, Timothée 6 nous dit que combat le bon combat de la foi. C'est ça notre combat de la foi. Saisissez la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as été fait cette belle profession de la foi en présence de nombreux témoins. Praise the Lord. Hallelujah. You know, 2 Corinthians 10. Go there, please. On va lire 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. If we just read the place that said there's still fight. Wir haben eben noch eine Stelle gelesen, wo drin steht, dass noch ein Kampf besteht. In Luke said there is no more war. The war is over. Aber in Lukas steht, dass der Kampf Peace vorbei ist. God and man. But in where we just read that Timothy, 1 Timothy, he said there is, we are still going to fight the good fight of faith. Und in 1. Timotheus steht, dass wir immer noch einen Kampf kämpfen, den Kampf des Glaubens. Look at here. 2 Corinthians 10 from verse 3. 2 Corinthians 10 à partir de 3. 2 Corinthians 10 vers 3. He said, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down imagination of every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Mm-hmm. Battle is still in the mind, in the soul. 2. Korinther 2, 10, Vers 3 bis 5. Es herrscht immer noch ein Kampf in den Gedanken. Dans le verset 3 à 5, ça nous fait voir qu'on a encore un combat, mais un combat qui est dans notre... Go to Galatians 5, please. Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. 16, and, 16 to 18. 16 bis 18. He said, this I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary one to the other, so that you cannot do the things that you would. It's talking about your soul. Galater 5, 16 bis 18. Galater 5, 16 à 18 parle de notre esprit, notre âme. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19 and to 21 talks about the fruit of the flesh. Von Vers 19 bis 21 geht's um die Frucht des Fleisches. Et le verset 19 à 21, eux, ils parlent des fruits de l'esprit. Amen. Amen. The fruit of the flesh. And then from verse 22 and 23 talks about the fruit of the spirit. Und in Galater 5, 22 bis 23 geht es um die Frucht des Geistes. Et là, il parle de work of l'esprit. Look at verse 19. Now the work of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry. You see it? The fruit of the flesh. If you are in the flesh, you are going to experience all this. In Vers 19 steht die Frucht des Fleisches. Wenn du im Fleisch wandelst, wirst du auch diese Früchte in Vers 19 erben. Donc, si tu marches dans l'esprit, tu vas aussi hériter les fruits de l'esprit qu'on a écrit en verset 19. That is why it's so good to allow your soul to be in Christ, of Christ. Deshalb sollten wir zulassen, dass unsere Seele in Christus, damit wir die Früchte von Christus, vom Geist ernten. You know, Jesus warned us against the flesh. Jesus hat uns vor dem Fleisch gewarnt. Jesus Christus hat uns gegen die chair. You know, if you go to Matthew 26, from verse 31 to 46, amen. Amen. And there he was warning us against the flesh. In Matthieu 26 warnt uns Christus vom Fleisch. En Matthieu 26, Jésus-Christ est en train de nous avertir. Praise the Lord. Amen. You know, it's not here. It's not about Jesus was sad. He was about to go. He was grieved. He wanted somebody to help him. He was looking for help. No, he was just telling us how this power of the flesh, how hard it is to let go. Christus hat uns gesagt, dass die Kraft vom Fleisch so schwer ist, loszulassen. Jésus-Christ nous a expliqué que la puissance de la chair est vraiment difficile à laisser partir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I'll go through here then. We'll check some one or two places at the time has come. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from verse 31. Matthäus 26, Vers 31. Then Jesus, said Jesus unto all. All you shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the sheep, the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. And after I am risen again, I will go before you into Galilee. Praise the Lord. You are not going to reach her because of time. Amen. Amen. Then Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet I will never be offended. You know, the flesh can boast. We don't boast in the flesh, we boast in Christ. Amen. Amen. Matthäus 26, 31 bis 33, wir prahlen nicht im Fleisch. Donc nous, on n'est pas en train de se... On est, notre orgueil, c'est pas la chair, c'est pas à cause de la chair. Jesus said unto him, verily I say unto thee, verse 34, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Then cometh Jesus with them into a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here, while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he went a little far further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour? 41, watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you continue to read it, they could not because of the power of the flesh. Matthäus 26, 31 bis 41, hier lesen wir, dass die Jünger nicht aushalten konnten wegen dem Fleisch. Ici, quand on voit ici, on voit cet exemple que les apôtres ne pouvaient pas rester même une heure en veillée avec Jésus-Christ. Ça nous fait voir qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que l'esprit, la chair est encore trop puissante. You know, they could not because of the flesh, the power. Of the flesh. Sie konnten der Kraft des Fleisches nicht standhalten. Ils pouvaient pas résister la puissance de la chair. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, here it's not about Jesus was so strong. You know, here Jesus is teaching us how the flesh is so strong. Hier geht es nicht darum, dass Jesus alleine, nicht alleine sein wollte, sondern hier geht es darum, dass das Fleisch so stark ist. Ici, il ne s'agissait pas que Jésus-Christ ne pouvait pas veiller seul ou bien être seul. Il s'agissait de nous faire voir comment que la chair est vraiment puissante. Nous, non, c'est pas seulement nous, mais pour Jésus. Es ging mehr um uns als um Jesus selbst. Il s'agissait plus de Dieu que de nous. If you quickly go back, go to John 12, verse 26. Then so that you can get it better. John 12. Johannes 12, Vers 26. There was a voice from heaven. Amen. Amen. And Jesus said, this voice is not about me, it's about you. Es kam eine Stimme vom Himmel und diese Stimme war nicht für Jesus, sondern für die Menschen da. Dans Jean 12, 26, on dit on va lire qu'il y avait une voix qui venait du ciel et c'était pas pour Jésus, mais qui venait pour les gens. Praise the Lord. Johannes 12, Vers 26. From verse 26. If any man serve me, let him follow me, said Jesus. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Praise the Lord. Hallelujah. Now is my soul troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. Father, glorify your name. There came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and I will glorify it again. Amen. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said an angel spoke to him. Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sake. Amen. Praise the Lord. Amen. I'm sure we will Johannes 12, 26 bis 30. Die Stimme erschien nicht für Christus, sondern damit die Menschen glaubten. Jean 12, 26-30, la voix qu'ils ont entendue, c'était pas venu pour Jésus-Christ, mais c'était venu pour les gens ordinaires. Praise the Lord. Hallelujah. Please, and I hope you understand the message. Ich hoffe, ihr habt die Predigt verstanden. J'espère que vous avez compris le message. Amen. Amen. It is not, you know, Jesus was just telling them how hard the flesh is, that it will take the Holy Ghost to fight the battle of the flesh. Jesus demonstrierte ihnen, wie hartnäckig das Fleisch ist, dass man den Heiligen Geist braucht, um diesem Fleisch zu widerstehen. Et Jésus-Christ les a fait voir ici que voulait juste leur faire voir, leur montrer que la chair est vraiment puissante et c'est vraiment difficile à le résister. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me quickly look at something. Few that we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Galatians 5, we will not go there. Talked about the fruit of the Spirit. They are the fruit of the flesh. In Galata we just explained it some time ago. In Galater 4 geht es darum, werden die Früchte vom Fleisch und die Früchte vom Geist erklärt. Galater 4, il nous a montré la différence entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Praise the Lord. Hallelujah. Because you are to know the difference between the fruit of the spirit and the fruit of the flesh. Weil wir die Unterschiede zwischen dem Geist, des Fleisches und dem Geist und die Früchte des Geistes erkennen müssen. Parce qu'on doit comprendre la différence entre les deux. And the root is Christ. The other root is the flesh. Bei dem einen ist Christus die Wurzel und bei dem anderen ist das Selbst die Wurzel. Parce que de l'autre c'est la chair qui est la racine et de fruit de la chair c'est toi-même qui est la racine. Praise the Lord. Hallelujah. In John 6:29, he said, believe Christ. John 6:29, they asked him the work that they are to do. He said to them, believe me, that's the work of the Father for you. In Johannes 6:29 fragen die Leute Jesus, was sollen wir tun, um gerecht zu sein? Und Christus sagt, sie sollen Christus glauben. Quand Jean est écrit, ils ont demandé Jésus, à Jésus comment, quoi faire pour être juste. Et Jésus-Christ les a répondu que pour être juste, tu dois seulement me croire à moi. Do you know how hard it is to believe Christ? Wisst ihr, wie schwierig es ist, Christus zu glauben? Est-ce que vous savez comment c'est difficile de croire? It's not believe Christ when everything are good. Es geht nicht darum, Christus zu glauben, wenn alles funktioniert, sondern wenn gar nichts funktioniert. Il ne s'agit pas de croire en Jésus-Christ quand rien ne marche, mais il s'agit de croire en Jésus-Christ même quand quand tout marche, mais il s'agit de croire en Jésus-Christ quand rien ne marche. It's not believing Christ when you are receiving, the one receiving. But if you are the one giving, believe Christ. Mm. Es geht nicht darum, Christus zu glauben, wenn du immer alles bekommst, sondern Christus zu glauben, wenn du alles abgeben musst. Il ne s'agit pas de croire en Jésus-Christ quand tu as tout, mais il s'agit aussi de croire en Jésus-Christ quand tu es obligé de donner tout ce que tu as. You know who you are going to ask. Go and ask the Mr. Good Master what it is, how hard it is to believe Christ. Du musst den reichen Jüngling fragen, wie schwierig es ist, alles abzugeben. Tu dois vraiment... Was? Du musst den reichen Jüngling fragen, wie schwierig es ist, alles abzugeben. Tu dois vraiment demander, comprendre comment c'est difficile de donner tout, rendre tout à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You know the radicals by their fruit. Wir kennen die Radikalen durch ihre Früchte. What Christ calls fruit. That's how you know the radical. Die Früchte, die Christus definiert. Les fruits que Jésus-Christ définit. You know the radicals by their truth. What Christ called truth. Wir erkennen, and now what man called truth. Wir erkennen die Radikalen durch ihre Wahrheit, durch die Wahrheit, die Jesus Christus benennt. Tu reconnais les radicaux à travers la vérité que Jésus-Christ appelle la vérité. The radicals walk by truth because they know the truth. Die Radikalen wandeln bei der Wahrheit von Christus, weil die Wahrheit ihr Leben ist. Les radicaux sont en train de marcher à travers la vérité de Jésus-Christ parce que la vérité c'est leur vie. They go by the truth rather than by the name of Jesus. We are getting to some place. The radicals go by the truth more than the name of Jesus. Die Radikalen laufen eher der Wahrheit hinterher statt den Namen von Christus. Les radicaux sont en train de marcher selon la vérité au lieu de suivre seulement le nom de Jésus-Christ, mais ils aiment aussi la vérité de Jésus-Christ. Who understand it? Satan can manipulate the name of Jesus, but he can never manipulate the truth. Amen. Weil der Teufel den Namen von Jesus Christus manipulieren kann, aber er kann die Wahrheit niemals manipulieren. Parce que le diable est capable de manipuler le nom de Jésus-Christ, mais la vérité, le diable n'est pas capable de le manipuler. If you go to Matthew 7, you call them workers of iniquity. We did this in your name. We did this in your name. Workers of iniquity. They go by Jesus' name, but never by the truth. What Christ called the truth. They cannot imitate it. It's not possible because you don't even know it. Tell the Holy Spirit to know that. In Matthäus 7 lesen wir, dass viele Leute versucht haben, durch den Namen von Jesus Christus zu arbeiten, aber sie hatten die Wahrheit nicht. In Matthäus, on lit qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de travailler à travers le nom de Jésus Christ, mais ils n'avaient pas la vérité. Matthäus 7. Matthäus 7. Von Vers 13. Von Vers 13. Matthäus 7, Vers 13. He said, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Praise the Lord. Hallelujah. You look at religion today, churches, they are it's occupied, full. Even you cannot even see place to see people stand. Wir sehen, wie voll religiöse Einrichtungen sind. They have followers, millions of followers. Sie haben Millionen von Anhängern. Si tu regardes les religions, les places religieuses, les églises aujourd'hui, ils sont vraiment, il y a de la foule. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Praise the Lord. Hallelujah. You know, upon all Jesus' miracle, how many people were they even able to gather? Upon all the miracles. Obwohl Jesus so viele Wunder vollbracht hat, wie viele, seht euch an, wie wenig seine Jünger waren. Si on regarde bien la vérité, la Bible, on va voir que malgré tous les miracles que Jésus-Christ a dit, combien de gens sont restés vers lui. Il y avait peu de gens. Aber die meisten waren einfach nur eifersüchtig auf Jesus. Mais la plupart de ces gens étaient seulement jaloux. He said, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Matthäus 7, Vers 13. Sehr viele Leute gehen ins Verderben. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir dans des chemins qui sont pas très bien pour eux. He said, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Few. Weil der Weg sehr, sehr breit ist fürs Verderben. Large est la porte et précieux la route qui mène à la perdition. Nur wenige werden die enge Pforte nehmen. How many were saved in the old world? Only 8 people. Nur 8 Leute wurden in der alten Welt gerettet. So siehst du, wie wenige auch diesmal gerettet werden. Dans la vie ancienne, avec si on connaît la l'histoire de Noé. Amen. Amen. How many? Only 8 people were saved. Il y avait seulement que 8 personnes qui ont été sauvées. Nur 8 Leute wurden gerettet im Alten Testament. Dans le monde passé, il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. He said few. Few, only few can pass it and can make it. Nur wenige werden es schaffen. Il y aura seulement un peu de personnes, pas beaucoup de personnes qui vont, only Noah and seven others, qui vont être capables. Nur Noah und 7 andere haben es damals geschafft. Praise the Lord. Seulement peu de personnes qui vont être capables à entrer dans le royaume des cieux. Parce que faut être radical. Amen. I don't want quantity. I want quality. I want Christ. I'm satisfied with him. Amen. Ich will keine Quantität, sondern Qualität. Ich will Christus. Moi, je veux pas de quantité, je veux la qualité. Je veux Jésus-Christ. Amen. He said, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruit. Do men gather grapes of thorns, or figs, of testo? Verse 17. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Amen. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruit you shall know them. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Amen. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils. Praise the Lord. Hallelujah. In your name we cast out devils. Matthäus 7, 15 bis 22. Viele haben gesagt, in deinem Namen haben wir doch Dämonen ausgetrieben. Matthieu 7, 17 à 22, ils ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on a chassé les démons en ton nom, Dieu. And in your name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that walk iniquity. Therefore, whosoever heareth this saying of mine, praise the Lord. You can see it. Matthäus 7, Vers 22 bis 24. On va lire jusqu'à 24. On doit lire à la maison jusqu'à 24. Ces gens-là, ils ont dit que on a fait même des miracles en ton nom, mais Jésus-Christ va leur dire que je vous ai jamais connu. The radicals move with the truth, with the fruit of the spirit rather than the name of Jesus. Amen. Die Radikalen gehen mit der Wahrheit und nicht mit dem Namen von Jesus Christus. Les gens radicaux sont en train de valoriser plus la vérité de Jésus-Christ plus que même son nom parce que son nom on peut l'utiliser. Because his word is greater than his name. Amen. Und das tun sie, weil seine Wahrheit größer ist als sein Name. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que la parole de Jésus-Christ. His truth is greater than his name. La vérité de Dieu est plus grand que son nom. Die Wahrheit ist größer als sein Name. Psalm 138. La vérité de Dieu est plus grande que son propre nom. Psalme 133. Praise the Lord. Alléluia. Absolument, pardon. À 138. Amen. Amen. He said, I will pray, worship towards your holy temple and praise your name for your lovely kindness and for the truth. For thou hast magnified your words above all your name. Psalm 138, Vers 1. Vers 2. 2. Achso, Vers 2. Verset 2. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé les promesses en surpassant ta renommée. Christ's word is the truth. It is greater than the name of Jesus. Das Wort von Christus ist die Wahrheit und es ist größer als sein Name. La parole de Jésus-Christ est la vérité et c'est plus grand que son propre nom. Amen. Amen. His truth is greater than his name, said Jesus. Jesus sagt, dass seine Wahrheit größer ist als sein Name. Sa vérité est plus grand que son nom. You know the radicals by the truth, rather by the name of Jesus. Amen. Wir erkennen die Radikalen eher bei der Wahrheit als bei dem Namen. Tu reconnais les radicaux à travers la vérité et pas à travers le nom de Jésus. You know, as great as the name of Christ is, he said his word, his truth is greater than his name. Obwohl der Name von Jesus Christus schon so groß ist, sagt er trotzdem, dass seine Wahrheit noch größer ist. Malgré le nom de Jésus Christ est si grand, si énorme, lui-même il dit encore que sa vérité est encore plus grande que son nom. For us to know the truth and obey the truth, it must come from the Holy Spirit. Without him, no one. Damit wir der Wahrheit gehorchen, befolgen, müssen wir den Heiligen Geist haben. Pour qu'on puisse suivre et obéir la vérité de Dieu, on doit avoir le Saint-Esprit, sinon c'est impossible. No one can know the truth and obey it without the power of the Holy Spirit. Niemand kann die Wahrheit kennen und danach handeln, wenn er den Heiligen Geist nicht hat. Il y a personne qui est capable de connaître la vérité et de marcher selon la vérité si tu n'as pas le Saint-Esprit. You can see there in David, you can get it there. In 1 Corinthians 2, from verse 12 to the end, we are not going place because of time. Amen. Mm-hmm. What Christ called the truth does not make sense to the natural man. Mm-hmm. Was Christus die Wahrheit nennt, macht für den logischen Verstand keinen Sinn. Ce que Jésus-Christ appelle vérité, ça n'a pas de sens pour l'homme naturel. The Ten Commandments is logic. It makes sense. Die 10 Gebote sind logisch, sie machen Sinn. Mais les 10 commandements sont logiques, ça a du sens. Example, honor your father and your mother. It's just logic. It makes sense. They give birth to you. They are feeding you. They have been there for you. Do you see it? Can you see it? Obey 10 commandments. But what does not make sense is obey Christ. Das Beispiel, Ehre deine Vater und deine Mutter in den 10 Geboten macht Sinn. Das ist logisch, dass man seine Eltern gehorcht, weil sie einem das weltlich gesehen das Leben gegeben haben. Aber es macht keinen Sinn, wenn gesagt wird, dass wir Jesus Christus gehorchen sollen. Parce que quand tu dis par exemple, faut obéir à tes parents, ça a du sens. C'est logique en fait, parce qu'ils t'ont donné de la vie, ils te donnent à manger, le toit, ils te donnent tout ce que tu as besoin. Mais quand tu dis de obéir Jésus-Christ, ça n'a pas de sens parce que tu te dis charnellement je ne le connais pas. Without the power of the Holy Spirit, you can never know the truth and believe it. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir niemals da. I saw no Christ. You can never know. You cannot know it. You cannot even believe. You cannot even obey it. Ohne der Wahrheit des Heiligen Geistes können wir niemals. Because it does not make any sense. Obey Christ. Yes, Christ. Then you can see your parents. Ja, machen wir weiter, das war ganz zu viel. Das war ganz zu viel. Sans la vérité de Dieu, tu ne peux pas, tu n'es pas capable d'obéir Jésus-Christ parce que, oui, ça n'a pas de sens. People will say, where is Christ? Where is him? So that we obey him. We cannot find him. We cannot see him. We cannot believe what we don't see. Leute werden then sagen, we can see our mother. This is Mr. and Mrs. Somebody. Leute werden sagen, wo ist Christus? Ich kann ihn nicht sehen. Wie soll ich jemanden gehorchen, den ich nicht sehen kann? Ich kann meine Eltern aber sehen. Deshalb werde ich ihnen gehorchen. Deshalb ist es logisch gesehen unmöglich, Christus zu gehorchen. C'est pas logique d'obéir à Dieu selon ce monde parce qu'ils vont te dire que où est-ce qu'il est? Moi, je ne le vois pas. Je peux voir mon Père. Je peux voir les gens que je dois obéir. Mais Jésus-Christ, je ne le vois pas. Il n'est pas ici. Et apparemment, il était mort. Comment tu me dis de lui croire? It says the power of the Holy Spirit to believe Christ. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um Christus zu glauben. Et c'est pour cela qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour croire. You don't need the Holy Spirit to obey the Ten Commandments. Du brauchst den Heiligen Geist, um die Zehn Gebote zu erfüllen. Les dix commandements, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. But to obey Christ, you need the power of the Holy Spirit. Aber um Christus zu gehorchen, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Mais pour obéir Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. It is so easy to obey the Ten Commandments. It is because it's flesh to flesh. Es ist so einfach, den Zehn Geboten zu gehorchen, weil es um Fleisch geht. C'est vraiment simple d'obéir aux dix commandements parce qu'il s'agit de la chair. Even the Muslims, you know, they have it in their Quran. Honor your father and your mother. They have it in their Quran. Selbst die Muslims, I went to Quran school haben in Nigeria. Diese zehn Gebote in ihrem Koran stehen. Ich kenne mich sehr mit dem Koran aus, weil ich als Kind mal in einer Koranschule war. Quand j'étais en Nigeria, j'ai beaucoup appris des histoires sur le Coran et les musulmans. Eux aussi, dans leur Coran, ils ont écrit qu'il faut honorer ton père et ta mère. They obey Christ. It takes the power of the Holy Spirit. So if you believe it, that is Christ you have to obey. Aber Christus zu gehorchen, du brauchst den Heiligen Geist, um ihn zu gehorchen. Mais pour obéir à Jésus-Christ, tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour croire que tu dois le faire, qu'il existe même. Amen. Amen. You know, if you go to one or two places, then we close. Amen. If you go to Mark 10, please. Please, I just want your time. I even want us to sleep here, but some of us will not want that. Markus 10. Amen. Mark 10. Mark 10. Amen. Amen. You know, here Jesus was telling this man the Ten Commandments. The commandment of Moses. Amen. Hier gibt Jesus einem Mann die zehn Gebote. From the verse 9. Mark 10. 19, I mean. Dieu donne à quelqu'un des commandements. Markus 10, vers 19. Is that 19? That knows the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. Can you see the commandment? Amen. Amen. And he answered and said unto him, Master, all this I have observed from my youth. I don't need the Holy Spirit to observe this. I observe it. I was able to make it from my youth, just like a baby. Markus 10, Vers 20 sagt dieser Mann, er hat diese ganzen Gebote von Mose von Anfang an gehalten. Er braucht den Heiligen Geist also nicht, um diese Gebote zu halten. Ici, Marc 10, 19 à 20, ça nous fait voir que cet homme, il dit que moi, Dieu, j'ai obéi à tous les commandements de Dieu. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, je l'ai fait comme ça. You know, here, when Jesus now revealed his own commandment to him, he went away sad. Aber because without the Holy Ghost, no one can do this. Aber als Jesus diesem Mann dann offenbart hat, was die Gesetze von Christus sind, ist dieser Mann traurig weggegangen, weil er ganz genau wusste, dass nur mit dem Heiligen Geist kann man diese Gesetze erfüllen. Mais quand Dieu l'a révélé ses propres commandements, lui il était choqué, le type il a dit que c'est pas capable, qu'il a compris qu'il n'est pas capable à faire ses commandements. Praise the Lord. You need the power of the Holy Ghost. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. On a besoin de la puissance. To be able to believe. To believe, you please God. You believe. To believe that you are a son of God. To believe that you are to honor him. Wir brauchen die Bestätigung, um zu glauben, dass wir Gott gefallen, dass wir perfekt vor Gott sind. On a besoin du Saint-Esprit pour croire qu'on est parfait en Jésus-Christ et qu'on Praise the Lord. Hallelujah. We stop here, please, because of time. Amen. Amen. Let us just stop and we'll continue from there. Amen. Amen. I hope you get it. Amen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Praise the Lord. Hallelujah. Please, it is, we record it. You can listen to it again and again at home.